sauf que, au bout d'un moment, un hurlement titanesque vient clairement arrêter la fête, quoi. En fait, vous entendez un hurlement de loup, enfin de louve hein, plus exactement, mais vraiment, t'as jamais entendu un hurlement de loup aussi puissant, quoi. Enfin, là, c'était vraiment préhistorique, quoi. Et en fait, vous voyez arriver sur vous, d'abord, ce que vous entendez, c'est les arbres qui s'écroulent, en fait. Sur le D'accord. passage, en fait, une créature colossale. C'est-à-dire qu'il y a une sangle louve, donc t'imagines une lée avec une tête de louve, mais de la taille d'un diplodocus, quoi, hein, clairement, quoi. Qui fonce vers vous, en fait, bah, ivre de rage parce que vous avez tué son petit, quoi. Et là, c'est grave la merde, hein, clairement, quoi. Donc du coup, tu as plusieurs choix. C'est tu peux courir seul, ou tu peux courir avec Marie, c'est-à-dire t'embarques Marie avec toi, ou alors tu cours avec tout le monde, quoi, en ordre groupé, quoi. Ouais, je vais tenter de courir avec tout le monde, même si ça risque de se passer très mal. Ok. Tac. Ouais, donc vous courez tout ça machin, et en fait le salopard il est un peu à la traîne et il trébuche en fait sur une branche, il s'étale dans la boue et tout, et clairement la sangle louve arrive sur lui à toute vitesse. Et là à ce moment-là il y a le vieux en fait qui sort ce comment son ah il sort sa calache et il tire, mais tu sais vraiment c'est pas il active pas le mode rafale parce qu'en fait ils ont très peu de munitions, donc il tire au coup par coup. En fait c'est un tir de couverture, quoi, pour retarder la, et puis il te gueule dessus de faire pareil, quoi. Il dit tire sur la bestiole, quoi. Est-ce que tu tires une balle sur la sangle de louve, ou est-ce que tu tires pas? Non, bah, je vais tirer une balle. Ok. Donc est-ce que c'est ta balle, ou est-ce que c'est une de celles du vieux qui tire quand même avec une belle précision? C'est difficile à déterminer. Toujours est-il que ça la freine. Enfin, clairement, ça l'a pas blessé. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est comme si on te balançait des billes de plomb, quoi. Hein, c'est clair que ça va l'égratigner pas mal, quoi. Et ça la fait ralentir, mais juste à temps pour que vous ramassiez le salopard et puis que vous le traîniez avec vous. Et donc vous montez, et vous arrivez en fait comment? Vous arrivez au pied du manoir. Et là en fait c'est un manoir qui est environné de douves, mais par chance extrême le pont-levis est abaissé. Et donc personne se fait prier, en fait tout le monde bah, court à l'intérieur du manoir pour se réfugier, quoi. Alors, je te préviens que là, on arrive dans un arborescence fort touffu. D'accord. Donc, je peux un petit peu ramer, mais. Tac, tac, tac. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la sangle louve, en fait, elle se met à courir autour du manoir. Elle se met à courir autour du manoir. Et bah clairement, en fait, bah, vous êtes en quelque sorte assiégé, quoi. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Donc à l'intérieur du manoir, tu vois, tout le carrelage est complètement défoncé. Il y a des gravats partout, il y a du lierre qui a poussé dans tous les sens, des racines, même des buissons dans certaines pièces, quoi. Et tu as un grand escalier, en fait, qui conduit à un étage. C'est un double escalier qui a pu être assez majestueux à une époque, mais bon, là, c'est complètement défoncé. Tu as des portraits tout couverts de moisissures, tout rongés, quoi. Et donc, tu peux. Et en fait, il. Pour le moment, en fait, il monte à l'étage. Donc, tu as un grand couloir avec donc un damier en échiquier, tu vois, tout, tout poussiéreux, avec des plein de champignons qui ont poussé dessus. Et puis, tu as un énorme trou, en fait. Le plancher s'est effondré, quoi. Et on voit, en fait, on voit le rez-de-chaussée depuis le trou, quoi. Et tu as encore, tu vois qu'il y a un accès à une poterne, tu vois, une sorte de tour de guet. Et puis, tu as aussi un escalier qui monte vers le grenier. Et donc là, tu as pas mal de choix. Tu peux essayer de dormir. Tu peux aller explorer le grenier. Ou tu peux passer du temps avec Salopard, avec, avec le vieux ou avec Marie. Je vais pas passer du temps avec le. Ouais, quoique, si je vais aller voir le salopard, savoir s'il va bien, parce que. Oh, il a manqué de mourir, donc quand même. Ok. Donc tu passes du temps un petit peu tranquille avec, avec le salopard. Est-ce que tu en profites pour le buter? Ou est-ce que tu essayes de le manipuler, genre entre guillemets, le mettre un peu dans ton camp? Ou est-ce que tu fais rien de particulier avec lui, quoi? Non, je vais rien faire. Je vais rien faire de plus. Enfin, attends, c'est le buter ou le manipuler, c'est ça? Ouais, tu peux le buter, le manipuler ou rester neutre quoi dans tes rapports avec lui. D'accord, bon bah manipuler pour le mettre dans mon camp. J'ai pas l'impression de m'être mis à dos les autres pour le moment, donc je vois pas l'intérêt de le faire. Ah bah, tu sais, comment dire, on peut toujours des fois peut-être réparer le terrain. Ouais, non, on va peut-être préparer le terrain, on va discuter avec, machin. Voilà, lui dire que Ouais. bon, voilà. Ouais, on va peut-être faire un peu ça quand même. Au cas où. Impeccable. Du coup, tu gagnes un bonus de plus 2 pour comment que tu peux utiliser soit contre lui ou D'accord. dans une situation contre quelqu'un d'autre, mais où il serait en sa présence, quoi. D'accord. En fait, c'est un bonus un peu double. Soit tu l'utilises contre lui ou pour te faire aider par lui, quoi, en gros. Ok, je vois l'idée. Et donc, c'est comme tous les bonus que tu pourrais avoir, c'est à usage unique. C'est à un moment où tu dis, ok, je claque le bonus. Et tu peux claquer D'accord. après le lancer de dés, en fait. D'accord, ok. Voilà, du coup, ton temps ton temps tranquille avec le salopard est passé. Tu peux à nouveau passer du temps avec le vieux, avec Marie, ou dormir, ou explorer le grenier. Passer un peu de temps avec Marie. Du coup, je vais peut-être essayer de passer du temps avec tout le monde, je pense. Là, le jeu te demande si tu as une romance avec le vieux, ce qui n'est pas le cas. Donc, elle discute un peu avec toi et elle fait je pense que tu m'impressionnes énormément. Je pense que tu es vraiment une belle personne en plus. En fait, j'ai vraiment confiance en toi et je dois t'avouer quelque chose. Je vis sous la coupe du vieux et du salopard et j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Et comme je te le demande, comme je demande à une personne de bien, quoi. Promets-moi de tuer le vieux et le salopard. Ah, ok. Donc là, tu peux dire oui. Après, alors je l'ai pas précisé, mais non, c'est dans le briefing au départ, c'est précisé. Quand tu t'engages à un truc, c'est pas forcément que tu vas le faire en fait. Tu peux mentir, quoi, tu peux bluffer. Donc, est-ce que tu dis oui, je promets de tuer le vieux salopard, ou est-ce que tu dis non? Attends, donc du coup, quand tu promets quelque chose, c'est que tu vas le faire, tu ne peux pas bluffer, c'est ça? Si, tu peux bluffer, tu peux promettre, mais c'est peut-être une fausse C'est une fausse. promesse, quoi. Ouais. D'accord, ok. Euh... C'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. On va promettre, ça engage pas a priori. Dog, dans quelle merde je me Ok, suis mis. très bien. Est-ce que tu crèves l'abcès maintenant? Est-ce que tu vas tout de suite les buter? Ou est-ce que tu comment? Maintenant combat. Non, je vais essayer de craft Ou l'abcès du coup. est-ce que tu remets ça à plus tard et que tu préfères passer un peu plus de temps avec Marie? Je vais remettre ça un peu plus tard, je pense, parce que de toute façon, j'aimerais quand même aller parler aux vieux avant de tirer. Ouais, ok, ouais. Ça doit être là, je pense. Donc, à ce moment-là, tu as un moment d'intimité avec Marie. Ouais, donc ça va être juste, elle parle de tout ce qui va pas dans sa vie. Enfin, voilà, comme ça donnera des raisons à Anthrax d'agir. Ok, super. Alors bon, je vais pas te spoiler, mais il est possible qu'elle t'en raconte des vertes et des pas mûres, quoi. Ah oui. En fait, pendant ces moments d'intimité, toi, tu lui confies quelque chose. Qu'est-ce que tu lui confies? Bah, je pense que vu que le personnage a été proche il y a pas longtemps là d'accepter l'aide de quelqu'un et que ça a failli très mal se tourner, je pense que ça va être ça en mode la peur de refaire confiance à quelqu'un quoi. Vu que bon bah au final Charlie n'était pas vraiment quelqu'un de si sympa que ça. Après, elle était peut-être totalement de bonne foi. Ouais, non, mais c'est pas incompatible. Mais en tout cas, du point de vue du personnage, c'était peut-être de Bien bonne foi, sûr, mais pas d'une bonne chose. toi tu l'as pas bien vécu, quoi, évidemment. Ouais, très bien. Et donc suite à ça, tu peux lui proposer une romance ou une amitié ou ne rien faire de tout ça. Bah une amitié, tiens, ça va être la première fois que je propose dans le jeu. Ouais. Je me suis embêté à faire tout un truc à la Mass Effect jusqu'à présent, t'as tout décliné. Donc ça me fait Mais. plaisir que tu acceptes cette amitié. Faut savoir que dans le dernier jeu de Mass Effect Andromeda, tu peux décliner beaucoup. Et j'ai beaucoup décliné en fait. Je me rends compte que si tu me laisses l'option de décliner, je décline beaucoup. C'est En même encore, mais temps, c'est encore plus parlant du coup quand tu choisis, quand tu fais le ton choix. cœur n'est pas à vendre. C'est ça. Mais du coup, c'est encore plus parlant quand tu fais le choix concret, quoi. Ça a plus de valeur. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, elle te raconte. Donc maintenant que vous êtes amis, elle te raconte l'histoire de sa mère, en fait. Elle t'explique que sa mère était une noble et que ensemble, elle vivait à Lugdunum, qui était une grande ville, en fait, une ville qui était le fleuron de la survivance, de la civilisation, quoi. Sauf que il y a eu tout un tas d'événements à Lugdunum. Il y a eu la peste, et puis il y a eu comment il y a eu des attaques, en fait, de pillards, quoi, sur la ville, guerre, enfin bon, bref, il a fallu fuir, quoi, avec le peu, tu vois, ils ont emporté quelques biens à la hâte, hein, mais c'en était fini de la fortune, hein, clairement, quoi. Et donc ils ont fui dans une caravane de réfugiés. Ils ont fui dans une caravane de réfugiés. Donc c'était déjà vraiment la merde, hein. Donc si on était parti sur la voie déchue, bah aller pour aller, on sont allés un petit peu au hasard vers le nord, quoi. Enfin, dans l'idée de rallier Noirmont-Ferrand, quoi. Et en fait, sur le chemin, ils se sont fait attaquer par des pillards, les écorcheurs, qui sont des pillards de la pire espèce, vraiment des gens abominables. Sa mère, en fait, a pas trop eu le temps de souffrir de ça parce que elle est morte, tu vois, alors qu'elle conduisait leur chariot, elle est morte transpercée d'une flèche. Et elle se rappelle pas beaucoup des écorcheurs, à part qu'elle en a une peur horrible. Et elle se rappelle quand même des deux, si tu veux, des deux grandes figures de cette troupe. Il y avait l'homme qui rit. Donc il y a une espèce de colosse avec les gencives arrachées, quoi. Et puis Attila. Attila, qui était le chef en fait des le chef des comment des écorcheurs, quelqu'un qui lui inspirait vraiment une terreur sainte quoi, hein, mais elle se rappelle pas du tout de à quoi il ressemblait. Et elle a fui en fait dans la forêt, et c'est là où elle a été recueillie par le vieux et le salopard. Et que disons, elle s'est mise avec eux bah, parce qu'il fallait bien survivre. Mais il est évident que c'était pas du tout la solution rêvée, quoi, hein, et qu'elle est vraiment tellement heureuse que tu sois là maintenant, et que maintenant elle va être avec toi et tout ira bien. D'accord. Alors, la dernière fois que quelqu'un m'a fait trop confiance trop rapidement, ça s'est mal passé. Mais... Oh, tu pensais qui là? Tac. Ok. Alors, du coup, ça te ramène dans le bivouac, qui est un sort de hub, hein, où tu peux à nouveau passer du temps, bah, du coup, avec le vieux, parce qu'il n'y a que lui que tu n'as pas fait. Tu peux explorer le grenier, tu peux dormir. Et tu peux aussi. Comment alors, j'ai oublié de préciser, parce que c'était déjà dès le départ, mais j'ai lu trop vite. Tu peux aussi tenter, avec tout le monde, en fait, de faire une sortie du manoir, quoi. D'accord. Ah non, pour le moment, non. Est-ce que tu veux explorer le grenier ou passer du temps avec le vieux? J'ai passé du temps. Temps avec le vieux, quoique si je passe du temps avec le vieux, ça sera sans doute pour le confronter. Mais on va quand même passer du temps avec le vieux, avec un peu de chance, en montant au grenier, il mourra tout bêtement de sa propre mort. C'est horrible dit comme ça, mais sans doute des atrocités dans cette maison qui peuvent faire le taf. Ok, donc tu passes à un moment d'intimité avec le vieux. Pendant ce moment d'intimité, tu vois en fait qu'il a un matériel qu'il garde un peu planqué sous ses freins, mais bon, t'as quand même réussi à le voir. C'est une espèce de boîtier. Alors, tu peux, si tu veux, utiliser la technologie du passé pour en savoir plus. Carrément, du coup. J'ai pas pris cette compétence pour rien. Allez. Ouais. Bah, ça a l'air d'être un décodeur, tu vois, un truc qui commande des choses à distance, quoi. D'accord. Donc, c'est clairement une relique de l'âge d'or, quoi. Un décodeur qui. Une télécommande, du coup. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'air d'un fois, c'est un peu un mix entre une télécommande, un pass, tu vois, pour ouvrir des portes, et puis une espèce de crypto, un truc pour faire de la cryptographie, quoi. Ouais, c'est ça, ça fait un peu un, tu sais, genre un pass universel, quoi, un truc de cambrioleur high tech, en gros, quoi. D'accord, ok, je vois l'idée. Ok. Alors en fait, en quoi consiste votre moment d'intimité? Je pense qu'il doit me parler des différents trucs qu'il a vécu. Je sais pas à quel point il est agréable en apparence, mais tu vois, je vois le vieux qui dit ouais, faut pas faire ça. Qui raconte des histoires qui sont en fait des histoires de gens qu'il a vu mourir et il en rigole un peu maintenant, et tu sais pas si c'est parce que ça le fait rire réellement ou si c'est parce que c'est sa manière de diluif, tu vois, mais. C'est du genre, ouais, il y avait Bob, et puis il a perdu une jambe. Hein. Un coup de bol, on a retrouvé la jambe, elle nous a permis de faire fuir les loups plus tard, tu vois, des trucs dans ce goût. La petite anecdote de Viruta. Impeccable. Alors, suite à ça, en fait, il te... là, on a déjà fait quelques péripéties ensemble en Trax et tout. Tu vois, clairement, j'ai passé du temps à t'observer et tout. Je demande encore à être impressionné. Vas-y, moi, j'ai vraiment besoin que tu me montres ton style. Impressionne-moi. Est-ce que tu relèverais ce défi? Que tu relèves le défi de l'impressionner ou pas? Alors, je sens, et ça me semble fichy, je vais dire oui, parce que de toute façon, c'est pas parce que je dis oui Tout maintenant est figé, de toute façon, dans ce livre aventure. Tu tout Bon, écoute, pues. jusqu'à présent, mes deux chiens, aucun des deux ne m'a trahi. C'est vrai, ouais. Non, mais y a des gens sympas aussi. Hein. Enfin, y a des trucs sympas dans le. Effectivement, t'as raison, il y a des trucs Oui, non, sympas aussi mais. dans le livre. Non, mais puis bon, pareil, hein, je veux dire, Charline, enfin, le personnage de Charline était. Ça se finit pas bien, mais. Parce que le personnage était fondamentalement mal intentionné. Je trouve qu'elle demande très régulièrement à être payée, mais c'est. Ouais, c'est on y pêche pas. Elle attache pas ses siens avec des saucisses, c'est tout, quoi. Ok, il me dit. Donc, tu relèves le défi, il dit ok, très bien. Comment? Monte le bivouac. Comment? Je veux que tu organises le bivouac et la défense du siège. Je veux que tu fasses ça et je vais pouvoir juger un petit peu où est-ce que tu en es, quoi. Donc D'accord. là, t'as trois possibilités. Tu peux utiliser survivalisme en fait pour monter le bivouac au mieux, quoi. Tu peux ne pas utiliser, du coup, juste dire je vais faire comment je vais monter un bivouac au niveau de la poterne. Donc l'espèce de la tour de guet, quoi. Ou alors tu dis plutôt non, plutôt parce que la poterne, c'est quand même bah, juste c'est très exposé à l'extérieur, quoi. Je rappelle que la sangle louve tourne autour, quoi. Je vais plutôt au-dessus de l'escalier, en fait. Donc on n'aura pas de visibilité, mais au moins on est protégé, quoi. Donc du coup, est-ce que tu choisis laquelle de ces trois options tu privilégies? Alors, poterne. Attends, désolé, vas-y, refais. Survivalisme, Ouais. poterne Oui, bah ou oui, là, bah. camper au-dessus de l'escalier. Ouais, non, bah, survivalisme, hein, du coup, hein, clairement. Bon, en fait, du coup, tu fais plein de trucs ouf, t'installes des pièges, machin, tu fais des trucs avec des miroirs, enfin voilà, tu sens le grand jeu. Et en fait, il est carrément impressionné. Et en plus de ça, tu gagnes un bonus de plus 4. Contre la sangle louve. D'accord, ça c'est bien. Voilà, c'était pas bon pour le coup, ça valait le coup. Donc il est impressionné et du coup il se confie un peu à toi. Oh non, j'aurais juste dû le buter. En fait, il t'explique que lui, il n'est pas originaire de Millevaux. D'accord. En fait, c'est un organisateur de. En fait, c'est un baroudeur. Il a fait tout un tas de théâtre aux quatre coins du monde, quoi. Et notamment, parce qu'il bossait pour des millionnaires qui voulaient faire des safaris aux quatre coins du monde, quoi. Et donc, lui, c'était un peu le monsieur survie, quoi. Et en fait, un beau jour, il a eu le tort d'accepter de bosser pour un millionnaire qui voulait faire l'endroit le plus dangereux du monde, c'est-à-dire Millevaux. D'accord. Donc ils ont introduit un avion clandestinement au-dessus de Millevaux et arrivé ce qui devait arriver, ils se sont crashés, quoi. Et donc il dit qu'il pense être le seul survivant, quoi. En tout cas, il les a tous laissés pour morts, quoi. Et puis il est parti à l'aventure dans Millevaux et ça fait déjà un petit temps qu'il traîne dans cet enfer, quoi. Et clairement, lui, il n'a qu'un rêve, en fait, c'est de se barrer de ce trou à rats, quoi. Trouver le moyen de se barrer. Et il pense qu'il peut y arriver parce que le gros avantage qu'il a sur les Millevaliens, c'est qu'il maîtrise la techno, quoi. Et donc, il a un projet, en fait, c'est d'aller fouiller une ruine de l'âge d'or qui se trouve au niveau de Clermont-Ferrand, qui s'appelle le NRA. Attends, pardon, une quoi? Attends, je commence. Une vague de survivants qui s'appelle le NRA. Une ruine de l'âge d'or qui se situe au niveau de Noirmont-Ferrant et qui s'appelle le NRA. Enfin, le NRA. Généralement, il appelle le NRA, mais ça s'écrit NRA en majuscule, quoi. C'est une référence au NRA, je suppose. De toute façon, tout ressemble violemment à... Lui, il ressemble à un partisan de la NRA, mais bah non, tu sais pas en fait. C'est bizarre, c'est écrit pas comme un acronyme. Enfin, comme c'est écrit en fait, il n'y a pas de petits points quoi. C'est écrit NRA, un peu comme si c'était un mot entier, mais dit en majuscule parce que c'est impressionnant quoi. Donc D'accord. c'est. Est-ce que ça a à voir? Est-ce que c'est une cache de la NRA ou est-ce que ça a rien à voir? C'est difficile de savoir quoi. Ne t'en dis pas plus. Et donc, suite à ça, Suite à ça. bon sens. Est-ce que tu proposes une amitié ou une romance? Ou rien du tout? Je vais rien lui proposer du tout. Je... rien lui proposer du tout. C'est Connard, tentant, mais ok. non, je vais rien lui proposer du tout. Hein. Ouais, très bien, ouais. Ok, il est doué en survie, mais il m'a pas l'air très très clean, le monsieur. Trop bien. Petite question qui m'inquiète, Technique. tu avais dit que tu Oh, devais ouais. t'arrêter à quelle heure, toi? À 16h05, donc bon, si moi je te D'accord. propose de continuer à 16h05 jusqu'à 16h05, après on débriefera un petit peu. Ah d'accord, ok. 16h05, ça inclut le fait À... de pouvoir Ouais, dormir 16h05, on parfois. arrête l'aventure. Donc, c'est pas du tout D'accord. dit qu'on finisse le bouquin. Là, on a fait. Ouais, t'as pas fait grand-chose. En fait, ouais, comme t'as beaucoup exploré, en termes de, au niveau des quêtes, t'as fini aucune quête pour le moment, aucune des trois quêtes. Mais c'est pas grave, on aura déjà vu pas mal de choses. Ça me semble cohérent, c'est totalement mon style. J'épuise beaucoup en première phase. Et après, quand je refais, souvent je vais chercher juste ce que j'ai pas vu, mais souvent j'ai Non, mais beaucoup. c'est intéressant sur deux titres. Mais déjà, parce que moi, ça permet de tester des trucs. Puis en plus, ça me permet de tester le côté bac à sable, où en fait, tu peux te. Bah, je t'ai laissé te balader dans pas mal de trucs sans te fermer des portes. Ok. Donc, tu refuses la romance. Alors là, tu as plusieurs options. Tu peux lui péter la gueule, enfin, le tuer, quoi. D'accord. Tu peux tenter de lui voler son décodeur. Tu peux lui extorquer des infos sur le décodeur ou arrêter arrêter de passer du temps avec lui, quoi. Ah donc je peux pas le confronter sur sur vis-à-vis de Marie. S'il est mort, je peux lui voler son décodeur. Ah, mais ça arrive plus tard, ouais. Clairement pas s'en sortir. Attends, je suis en train de peser le pour. Je suis en train de Ah ouais. peser les chances de survie. Oublié un truc, moi. Alors. Pendant que tu réfléchis, moi je check, parce que, mince, il manque pas une option intéressante. Je pense Moi, je qu'à suis pour. ce stade, bon, je vais la rajouter, ça arrive peut-être plus tard, mais je suis pas sûr. Je pense que tu peux effectivement voir, c'est dans la romance. Du tout. Je pense que tu peux effectivement lui demander de t'en dire plus sur les rapports qu'ils entretiennent avec Marie. Tu vois, c'est pour confronter. En fait, je me rends compte que pareil, lorsque la vieille te parle de emmène trouver avec toi ou laisse trouver ici, je me dis, tiens, en fait, ce que j'aurais sur le coup, je me suis dit, j'aurais dû demander, est-ce que c'est possible de demander à trouver, tu vois? Juste, qu'est-ce que veut le personnage, tu vois? Parce que je sais que c'est un peu chelou, mais. Oui, je note, ouais. Si elle avait été là, je l'aurais prise direct, quoi. C'est qu'est-ce que veut le personnage? Ouais. Après, ça peut être un choix volontaire, du coup, de ta part, de dire non, c'est aux personnes qui jouent de faire le choix et. Non, non, c'est intéressant, je le note. Alors, bon, je vais rajouter une option, parce que je pense que c'est quelque part, mais je ne retrouve pas, et ce serait dommage de passer à côté. Comme option de dialogue aussi, d'interaction avec le vieux, tu peux lui demander effectivement quels sont les rapports qu'ils entretiennent réellement avec Marie, quoi. Ouais, je pense que je ferais ça du coup. En sachant qu'il y a de grandes chances qu'il mente, mais. Alors là en fait, tu peux avoir deux réponses. Il y a une réponse qui est trigger warning et une réponse safe mode. D'accord, ok. Vu que Donc, c'est enregistré et que tu vas peut-être le diffuser, tu veux peut-être. si tu choisis le trigger warning, dans ces cas-là, moi je mettrai en prévision, je mettrai aussi trigger warning en intro d'enregistrement. Alors, si tu choisis le trigger warning, avant de le choisir, tu peux me demander le code du trigger warning, c'est-à-dire c'est quel type de trigger warning. Non, vas-y, je suis suffisamment en confiance, je pense, pour y aller. Ok, donc tu vas sur trigger warning. Donc du coup, bah, en fait, il explique que clairement, en fait, bon. Toi, tu l'appelles Marie, mais eux, ils l'appellent pas comme ça, en fait. En fait, ils l'appellent la pute. Parce que littéralement, en fait, ils l'ont obligée, si tu veux, en échange de leur protection, elle leur sert de bonne à tout faire, déjà dans un premier temps. Mais en même temps, elle leur sert de femme, quoi. Donc, il en parle. Enfin, tu vois, il en parle vraiment avec. Ouais. C'est pas du dédain, c'est presque comme s'il en parlait d'un objet. Puis à la limite, c'est style qu'il la garde parce que c'est intéressant que le salopard puisse se défouler, quoi. Et que quelque part, ça lui permet d'avoir une emprise supérieure sur le salopard, quoi, qui lui sert quand même de garde du corps, quoi. Donc il en parle en plus vraiment avec une certaine froideur, quoi. D'accord, ok. Bon bah du coup, si on revient sur le hub juste avant, je le pute. Voilà, j'ai beaucoup moins de Ok. remords maintenant. Tout de suite. De quoi? Impeccable. Ouais, très bien. Et ben du coup, tu t'en tu. J'ai eu vraiment peur que. Ah, j'ai eu vraiment peur, entre guillemets, ça aurait été intéressant aussi que c'est ce qu'il fasse, tu sais, que tu mettes au contraire une réponse très. Que t'écrives un truc ambigu, tu sais, que le personnage soit pas à ce point brutal, machin, etc. Et du coup, qu'il faille lire entre les lignes le comportement abusif. Ce qui aurait été intéressant, hein, aussi, hein, je dis pas. Là, au moins, du coup, c'est clair. Ouais, voilà, ouais, il est assez franc du collier, quoi. Effectivement, mais je pense que c'est pas son style, en fait, de dire les choses entre les lignes, quoi. D'accord. Bon, si tu avais choisi safe mode, en fait, c'était juste leur bonne à tout faire. Je Ouais, je précise au cas où. comprends. C'est parad Et donc, par enfin, paradoxalement. Paradoxalement, du coup, le trigger nous donne d'autant plus de motivation ouais, tout à fait, ouais. Donc du à. coup, le vieux, il a 10 en air. Oui, par contre, il est armé, c'est vrai. Il a tout, tout, tout. 7 en trip. Il est armé. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il va forcément tirer. Forcément utiliser son flingue. Alors ça lui donne pas des dégâts supplémentaires, mais ça veut dire que si tu à moins que tu claques une munition, il a l'initiative le premier tour, tu vois. D'accord, ouais, Tu peux effectivement, pas ok. avoir l'initiative sur lui, tu peux juste annuler son initiative en claquant une munition. Bah, c'est ce qu'on va faire, on va claquer une munition Et pour. je précise que à tout moment, à chaque passe d'arme, tu as l'option de fuir. Ouais. Du coup, si tu fuis, en fait, bah, pendant la passe d'arme, tu te prends des dégâts, mais pas lui. Mais D'accord. si tu survis à ça, tu fuis, quoi. D'accord. Ok, donc on va faire la première passe d'arme. Est-ce que tu claques une munition pour annuler son avantage? Ouais, clairement. Donc je crois que c'est lui qui a la domination, par contre. Il a 10 en air, ouais, donc c'est Ouais. lui qui fera le gros dommage. Je te laisse lancer les dés. Alors, du coup, 3 et 5. Prends 3. Est-ce que tu claques de la rogne pour qu'il ait plus un dégât ou pour que toi t'en aies moins un? Non, par contre, je vais claquer une autre munition, je peux, Ah, pour donc tu lancer chutes, un tu autre lui dé. refais un D6 dégâts. Voilà, ça fait 5. Et moi bon, c'est bon, tu l'as buté. Voilà, ça attaque une munition Du et ça. coup, tu récupères sur lui du loot assez intéressant parce que tu as le décodeur. Tu as 7 munitions. Et c'est le moment de boire la potion de Charline que j'ai encore. Ok. Eh ben, t'as du bol parce que c'était une vraie potion de guérison qui redonne 6 points de trip. Ça aurait pu être un mauvais deal. C'était le moment d'essayer. Donc, tu vois, il avait quand même un bon fond, Charlie. Elle avait un bon fond. Le problème, c'est ce qui surnage au-dessus. Ça. Ok. Alors, suite à ça, en fait, il y a le salopard qui s'amène bah, pour venger son maître. Enfin, Ouais, fatalement. clairement. Donc, il engage un combat que tu peux désengager dès la première passe d'armes en tentant une fuite. Hein, sachant que tu vas pouvoir, si tu veux, ça rappelle que tu as un bonus de 2 hein, contre lui, donc tu peux éventuellement l'utiliser, quoi. Mais je vais l'utiliser, oui, effectivement. Alors, si tu l'utilises en situation de combat, en fait, ça fait que il aura un dégât, il va prendre un dégât de plus et toi tu prendras un dégât de moins. D'accord. bonus en deux et puis on répartit sur Et les dés, c'est c'est comme ça après que le ça se jet de dés passe. que je peux regarder ça, oui. Oui, c'est après le jet de dés, effectivement, si tu vois si c'est intéressant de claquer le bonus ou pas. Donc du coup, c'est la même. Je suppose qu'il est tir Alors, aussi. tac. Oui, c'est la même. Tac. Donc Donc, j'utilise les munitions le aussi. salopard, il a 9 en air et 5 en trip. Donc il me bat toujours. Que tu claques une munition pour annuler son initiative? Ouais, je viens d'en trouver sur le salopard. Bah oui, sur le t'as dieu. beaucoup. Je viens d'en trouver sur Ouais, le dieu. tout à fait, ouais. C'est les dommages. Il avait combien, tu avais dit, en trip? 5. Ok, bon, bah, ça fait 1 et 2. Prends 1. Toi, tu prends 2. Est-ce que tu claques de Donc, la et rogne je ou des recla... munitions? Oui, je reclaque une munition tout de suite. C'est en fait. Ah, ça fait un dommage de plus. Il est à 3. Je peux reclaquer une Ah munition, oui, du tu coup, peux ça faire fait. une rafale, tu peux rafaler comme une Bon, dingue hein, si tu veux. on rafale. Allez, plus que 1, merci, 4. Ok, c'est bon, hein, c'est bon, t'en es venu à bout. T'en es venu à bout et du coup. J'ai peu de chance au jet de dés, donc je préfère consommer mes ressources. Pense que je. Alors, le petit problème, c'est que j'avais pas noté c'était quoi le loot sur le salopard. Mais je pense que je vais. On va dire que. Je considère qu'il a plus de munitions, il a tout épuisé. Et du coup, je vais improviser un loot. D'accord. on voit tous les trous de du bouquin. Bah, je commence à arriver un peu plus loin, donc je suppose. Ah, ouais. Tu récupères sur lui un souvenir. En fait, c'est assez étrange parce que c'est un souvenir d'un moment où il a vu Marie, en fait, ce. Comment Où il a vu Marie. Il y a un moment, si tu veux, ils ont trouvé. Comment Ils ont trouvé des lingettes, en fait, tu vois, une espèce de vieille, comment, un vieux sac de lingettes et tout. Et elle a pu se nettoyer le visage. Et puis, elle s'est un petit peu peigné les cheveux. Elle a mis des broches dans ses cheveux. Et puis, elle se regardait avec un petit bout de miroir pété, quoi. Et en fait, à ce moment-là, il a éprouvé, tu vois, une grande tendresse et puis un amour pour elle, quoi. Bon, après, ça reste un salopard et Ça puis une reste un ordure, hein. Mais en fait, à l'intérieur de ce fumier, tu as trouvé une sorte de perle, quoi. Une sorte de souvenir qui est beau et précieux, quoi. Et que tu peux garder avec toi ou utiliser, bah, tu sais, quand il faut. C'est considéré Yes. comme un objet, en fait, que tu peux vendre, en fait. Ça va être vendu, ça. Ça va être vendu. Littéralement contre un bout de table aussi. Salut Casséo, donc on va faire la suite de l'auvergne de tous les dangers qu'on avait commencé la dernière fois, là. Et du coup, pour commencer justement, j'aimerais qu'on fasse ensemble un tout petit résumé de ce qui s'est passé. Notamment, il y a une chose que je voulais vérifier avec toi, c'était au niveau de tes relations avec les personnages du départ. Donc c'est au début, quand tu arrives dans la caravane, tu rencontres la taromancienne, Trouvé, et puis l'amant, quoi. Il me semble que la taromancienne t'a demandé de partir de la caravane avec Trouvé, mais Et ce en quoi j'avais du coup refusé. voilà, tu as refusé, tu l'as pas fait. La taromancienne, tu as eu un peu de relation avec elle, mais sans Oui, plus, c'est pas allé très très loin. j'avais cliqué à peu près sur tout ce que je pouvais voir, mais oui, au moment où il y a eu de proposition, amitié ou autre, j'ai rien mis. Ouais, c'est ça, ouais, t'as décliné l'amitié ou la romance, t'as pas eu de relation avec elle. Et puis l'amant, de mémoire, vous avez pas des masses interagi, hein. Je crois qu'il a commencé à te faire de petites confidences. Y a eu l'option de le dénoncer Ouais, à tu l'as la. dénoncé en fait à ta romancienne, et du coup ça fait qu'il est un peu en froid avec toi, quoi. C'est ça. Il y avait l'option de dénoncer à la taromancienne, et ce en quoi il est un peu froid, et la taromancienne dit ouais, mais c'est pas grave, j'étais au courant. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Suite à ça, la taromancienne t'a fait toute une prophétie comme quoi J'ai rencontré Trouvé. Tu aurais un chemin à faire dans la forêt pour guérir de ta maladie. T'as beaucoup exploré la ville de Normont-Ferrand. À l'exception d'un T'as pas quartier. tout, Non, ouais. t'as pas tout exploré, hein. Clairement, oui, t'as loupé un quartier. Il y a des trucs où t'es pas allé très loin, genre la seconde de la Connelle Bout de Feu. T'as pas essayé de forcer la relation avec elle, quoi. Non, du Tu t'es tout. fait un peu kicker, quoi. Et puis après, t'es parti en forêt pour essayer de guérir ta maladie. Donc, t'as rencontré d'abord, bon, t'as eu plusieurs péripéties qu'on va pas redétailler avec des renards, des boucs morts-vivants et des trucs comme ça. Il y a eu Charline, dont j'ai Charline, t'as rencontré fait. Charline qui t'avait promis de guérir ta maladie, sauf que ça s'est avéré être un beau cul-de-sac. C'est ça, à qui j'ai fait confiance jusqu'au bout, et puis j'ai utilisé un point de rogne pour rollback au dernier moment, C'est ça, ouais. après avoir perdu. Et du coup, après, tu étais parti avec trois personnes, hein, qui sont le vieux Marie et le salopard. Vous avez vu Maya partir avec une sangle louve. parce que le vieux avait tué son Ils ont tué le son bébé Markalou. Markalou. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, vous êtes réfugié dans un vieux manoir. Je crois que t'as pas vraiment de manoir. Il y avait possibilité d'explorer, il y avait possibilité de repartir ou d'explorer le grenier. Ça, pour le moment, t'as pas fait. Du tout, ouais. T'as plutôt fait du relationnel avec avec les trois personnes. Et Ouais, c'est là que j'ai ça, on va vu. dire que ça a tourné au bain de sang, quoi. Ça a tourné mal, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ça se passait pas vraiment de manière très éthique. Et du coup, voilà, Voilà, c'est t'as tranché. les gens pas très éthiques assumaient très fortement leur non-éthiquité. Je me suis dit donc que je pouvais les tuer d'un commun accord. Ça, exactement. Voilà. Et je crois que tu as récupéré donc un peu de loot hein, sur, sur justement ces deux tristes cires, quoi. Et Puisque tu avais une photo de Marie récupérée sur, sur le salopard. sur le salopard. Et normalement, tu as aussi donc sur le vieux, tu as récupéré 7 munitions, dont une partie sont maintenant dans le corps du salopard. Et tu as aussi de mémoire, tu as aussi récupéré un boîtier. Oui. Et je ne sais alors, ta techno du passé, tu sais à quoi sert ce boîtier en fait. C'est une sorte de manuel de crochetage électronique, quoi, en gros, hein. Enfin, c'est ça, c'est un kit de crochetage électronique pour faire simple. Voilà, qui permet d'ouvrir des portes Ouais, électronico-mécanisées. voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Donc, du coup, là, les options qui te sont offertes, c'est de tenter de ressortir du manoir, de dormir, ou encore de, bah, finalement, je pense que tu peux repasser du temps avec, Marie. Bah, ouais, disons que si c'est une option, vu ce qui vient de se passer, oui, on va aller sans cette option-là, avant de continuer à explorer. Ok. Alors en fait, si tu le fais, tu te rends compte que tu retombes dans les armes, les mêmes arborescences de relations. Ce que tu vois, elle te dit, promets-moi de tuer le vieux et le salopard. Donc, combat romance. Ah oui. Alors, t'en ferais que je vois comment on pourrait déclencher. Du coup, il me semble que je t'avais proposé. Que tu pouvais avoir une romance ou une amitié avec elle, hein. Est-ce que je t'ai proposé ça? Ouais, j'avais accepté l'amitié du coup. Amitié. Et du coup, elle t'a raconté l'histoire de sa mère. Et donc clairement en fait il y a ouais il y a rien de nouveau quoi. En fait, ça sert à rien de repasser du temps avec Marie, parce qu'il y a rien de nouveau. Donc du coup, tu peux explorer le grenier, dormir ou tenter de sortir du manoir. On va explorer le grenier. J'ai le cadavre avec moi, j'aime pas savoir où je dors. J'aime pas ne pas savoir où je dors. Pfiou, ça a été compliqué à dire. Ouais, alors excuse-moi, je fais de la réparation à la volée, mais Pas de gg. C'est aussi qu'on est aussi un peu là pour ça, donc impressionné. Je pense que ça, on va le faire. Je pense qu'en fait, quand vous arrivez, le vieux, avant même que tu aies toutes ces possibilités de relation là, le vieux t'a demandé de choisir. De monter le campement et pour te tester en fait le vieux t'a demandé d'organiser le bivouac hein. Parce que je crois qu'il Oui. tu n'en as pas trop donné l'occasion hein, il me semble quand tu t'es discuté avec lui hein. Si, il l'avait proposé. Il l'avait proposé, je l'avais fait. Je sais Alors plus. du coup t'avais bivouaqué où? Je sais plus laquelle des trois options j'avais prises par contre. J'avais survivaliste et je crois que survivaliste, ça permet de l'impressionner, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, mais du coup, le survivalisme, ça fait que. Comment? Ça fait que tu l'as fait sur la poterne. Ok, donc t'as bivouqué sur la poterne. Mais bon, bref, bon, ok, je me suis noté un truc, je le fais. Ok, donc oui, donc tu peux dormir, explorer le grenier ou tenter de ressortir du manoir. D'accord, bah du coup, explorer le grenier. Donc tu montes dans le grenier et il y a une scène mais ultra chelou puisqu'en fait visiblement il y a quelqu'un qui vit dans le grenier, tu vois. Il y a un couchage et il y a toute une espèce de laboratoire hyper chelou et il y a un gros rayon laser steampunk, tu vois, donc avec des grosses bobines. Tu sais, c'est une espèce, le laser, c'est une structure en verre, tu vois, avec des anneaux, tout ça. Je vois Et très bien. qui est genre, qui sert de tourelle de défense, en fait, du manoir, quoi. Et puis, tu as deux êtres humains, un homme et une femme, plutôt, qui sont dans du formol. Et en fait, tu rencontres un être bossu et contrefait avec un œil énorme, un visage tout déformé, des dents saillantes, qui habillé avec une sorte de blouse et tout. Et donc, il est vraiment difforme. Et donc là, tu peux bah, tout de suite l'attaquer. Tu vois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Juger que cette créature est dangereuse et donc l'attaquer. Ou tu peux essayer de dialoguer avec. Non, bah je. Sauf faire pour le moment, le seul moment où j'ai attaqué, c'est quand j'avais trop d'infos pour. Donc, non, je vais tenter de dialoguer. Je parle la langue putride. Peu de chance que ça fasse quelque chose. Est-ce que vous pouvez me parler le putride, monsieur, madame, truc. Ouais. Non, peu importe qui vous êtes. Ouais. Bah en fait, il te raconte un peu l'histoire de. Enfin, il est tellement étonné, quelqu'un lui parle, tu vois. Il finit par te raconter un peu l'histoire de sa vie, quoi, qui est fort dramatique, en fait. Ses parents, tout comme lui, sont des gnomes, c'est-à-dire des humains immunisés au syndrome de l'oubli. En fait, comme c'est une capacité génétique de ne pas souffrir de l'oubli, les gnomes ont tendance à se reproduire entre eux, tu vois, pour garder ce gène de résistance. Et du coup, bah en fait, voilà, ça fait des consanguins quoi. Et donc le gnome, s'il est si moche, c'est parce qu'il est, c'est un, c'est un, enfin, c'est vraiment, c'est un consanguin, tu vois, fruit de plusieurs générations d'unions incestueuses quoi. Mais il est pas méchant en fait. Bon, il est un peu frustre, puis il est très savant. Hein, c'est, enfin. Tu vois clairement que c'est un scientifique, quoi. Et en fait, ses parents ont fui les persécutions qu'il y a pu avoir contre les gnomes, en fait, par les humains classiques. Et sauf que eux, donc ils ont trouvé refuge dans ce manoir, puis ils ont fini par trouver la mort, quoi. Et donc il reste plus que lui, quoi. Et il essaie de garder l'héritage de sa lignée. Et continue à faire ses expériences. D'accord, ok, bah vous dites Et bah. au début, il avait vraiment peur parce qu'il pensait que vous veniez pour le tuer et tout. Non, on était venu pour s'entretuer. Et donc là, clairement, t'as l'option de dire non, mais c'est trop dégénéré, je le combats, ou alors bah, le laisser tranquille dans son grenier puis redescendre. D'accord, bah non, on va lui foutre la paix. Après, il a pas l'air méchant. Je me demande. A priori, l'option n'est pas là, mais du coup, là, comme ça, je me demande si le laser pourrait être utilisé pour faire fuir la sangle. La punaise, masse. Ouais, Ça non, fait. mais je viens d'y penser exactement en même temps que toi. C'est vrai que ce serait un peu utile, quoi. Donc, on va proposer l'option, effectivement, utiliser laser. Après, dans des jeux dont vous êtes le héros, c'est normal par moment qu'il y ait des options qui soient pas là, quoi. Ah, bien sûr, mais. Du coup, voilà ce qu'on va faire. Il te dit. Ouais, je peux essayer, mais en fait, il y a une chance sur deux que je la fasse fuir et une chance sur deux que juste je l'énerve, tu vois, tellement qu'elle deviendra vraiment dangereuse, quoi. Qu'est-ce que vous préférez, quoi? Non, on l'a déjà assez énervé pour le moment. 50% de chance, c'est pas assez. Bah, je lui souhaite bonne soirée, hein, du coup. Ok, ouais, ok, ça roule. Bon, concrètement, tu vois, je t'aurais sûrement demandé un jet de rogne, puis s'il était réussi, c'est vous y fuir la bestiole, quoi, mais. Ok. Du coup, tu peux dormir ou retenter ressortir du manoir, quoi. On va dormir avant parce que bon, bah, on a quand même pris cher dernièrement, donc on va dormir. Puis on avisera demain. Ok. Alors. Ok. Donc, tu dors et du coup, en dormant, tu as un flashback en fait, un rêve. Et c'est trop bien parce que j'ai pas noté c'était quoi ton flashback. De quoi tu te rappelles? Ouais, bah, je vais improviser parce que. Enfin, je vais improviser un truc réel, mais j'étais pas sûr que je vais mettre ça. En fait, tu. Ouais, c'est pas mal. EBG3, attends, KM. Je pense que c'est ça, de toute façon. Bon, je prends un risque. En fait, t'es sanglé sur un truc d'opération, quoi. Sur une table d'opération. Et il y a des scientifiques qui, en fait, te ponctionnent du sang, tu sais, contaminé à la sévancre. Pour alimenter une espèce de viande synthétique qu'ils appellent la viande noire, tu vois. Et donc, il est clair que dans ce flashback, t'es pas du tout consentant ou consentante, hein. Absolument pas, quoi. À un moment, en fait, le fait qu'ils aient rajouté ta sévancre, en fait, dans cette espèce de viande synthétique noirâtre, il se passe quelque chose de mal, quoi. Enfin, ça dégénère, quoi. Et le flashback s'arrête là, mais il est possible que toi, t'aies pu prendre la fuite du fait que justement, l'expérience est mal tournée, mais t'en sais pas plus, quoi. Et t'as une bonne vision des locaux où t'étais, quoi. Et donc si tu retrouvais au même endroit, tu saurais reconnaître le lieu, quoi. D'accord, ok. Ok, donc du coup, je sais que c'est pas ici. J'ai retrouvé ma feuille de perso au passage, d'ailleurs. Donc du coup, Cool. c'est bon. Très bien. Du coup, bah, la seule option qui te Effectivement, reste j'ai maintenant, noté. c'est de ressortir du manoir, quoi. Hein. C'est ce qu'on va faire. Le combat va être joyeux. Ok, donc là en fait on te demande si on te demande si t'as bivouaqué dans le comment au niveau du trou qu'il y avait au premier étage ou au niveau de la poterne. Il se trouve que t'as bivouaqué dans la poterne. Et donc tac. Et en fait, là, on te demande si comment. Donc là, il va en fait clairement pouvoir sortir. La sangle louve continue à tourner autour du manoir pour pouvoir sortir. Il va juste falloir courir, quoi. Courir de ouf. Il n'y a pas d'autre solution. En fait, grosso modo, je te demande si t'essayes de couvrir les autres. Bon, il n'est plus qu'un, en l'occurrence Marie, quoi. Donc, c'est-à-dire t'exposant plus toi, ou si tu préfères, en fait, utiliser les autres un peu comme bouclier, quoi. Non, bah on va couvrir les autres. Hein. C'est what I do since the beginning, donc. Ok. Bah, écoute, du coup, tu fais. Faire un jet de. Ouais. fais un jet de un jet, alors c'est pas fréquent, mais tu fais un jet sous nerf. Alors l'effort te fait perdre définitivement un point de nerf. Et il faut que tu fasses, donc, avant de perdre le point de nerf, tu jettes 2 dés sous ton score actuel de nerf. D'accord. Et il faut faire inférieur, quoi. Inférieur ou égal. Et après ce jet de dés, que ce soit une réussite ou un échec, tu retires un point de nerf définitivement. D'accord. Donc, du coup, c'est en dessous du 8. On lance. Et ça fait... C'est bien 2 dés 6, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Donc ça fait 5, donc c'est bien en dessous, mais ça fait perdre un point définitif. Impeccable, donc tu cours comme une dératée, et t'arrives à échapper, ainsi que Marie, vous arrivez à échapper à la terrible sangle louve. Suite à cette aventure, tu reprends le chemin avec Marie, et en fait... tu peux décider, si tu estimes que la demande qu'elle t'est faite, en l'occurrence tuer le vieux et le salopard, c'est-à-dire que cette demande était excessive, tu peux décider de... je crois que t'as une amitié avec Marie. Tu peux décider de rompre avec elle. Non, c'était fair. Ok, très bien, donc tu restes son ami. Le bouquin te propose aussi de rompre avec le vieux, mais bon, de toute façon, la rupture a déjà été consommée avec du plomb, quoi. C'est bon, ça c'est fait. Je me suis déjà occupé de cette partie-là. Et ensuite, donc vous progressez dans la forêt, et en fait, vous faites... Comment vous vous faites attaquer par un Orla sonique. C'est que vous le voyez pas en fait. C'est un adversaire vraiment vraiment dangereux parce que c'est juste une masse de sons qui progresse vers vous quoi, des sons bizarres, grésillants, espèces de basses qui vrillent les tympans, tout ça. Et donc il y a ce truc qui progresse vers vous quoi, comme une espèce de gelée sonore implacable. Et pouvez rien faire quoi. Vous êtes déjà en train de faire vos prières quand tout d'un coup une espèce de musique aigre. Avec clairement beaucoup de fausses notes, en fait, le fait fuir. Vous entendez les sons du Orla, en fait, s'éloigner de vous et puis disparaître au loin, quoi. Et donc, la question, c'est, est-ce que tu vas dans la direction de la musique? Alors, attends. Attends. Tu peux aller dans la direction de la musique. Tu peux aller vers le Orla, genre pourchasser le Orla. Ou il y a une proposition que tu vas pas pouvoir. Tu peux retourner vers Noirmont-Ferrand aussi. D'accord. On va en direction de la musique. Le horloge est ici. Ok. En fait, vous vous rendez compte que la musique émane d'un accordéon. Un vieux accordéon pourri, quoi, qui est joué, en fait, par une personne. C'est un nain, en fait, qui arbore un nain costumé un peu comme un bouffon, hein, clairement, hein, mais bon, tout en haillons, quoi. Et puis, il a un espèce de grand sourire, quoi. Il a l'air de croquer la vie à pleines dents. Il a des yeux un petit peu exorbités, quoi. Le crâne chauve. Donc il joue, il tire des fausses notes aigrelettes de son accordéon tout en chantant une sérénade un peu rustique. Il y a quelqu'un qui a un bon moment, au moins. Et donc là, t'as plusieurs options. Tu peux le buter. tu peux le coopter dans le groupe. Tu peux quitter le groupe avec lui. Or, d'accord, donc le suivre. Ouais, le suivre, mais en solitaire, quoi. Donc tu laisserais Marie, quoi. Ou tu peux l'envoyer chier, en fait, lui dire d'aller voir ailleurs. Ou... Euh... Non, bah, on va lui proposer de venir. Il a l'air de bien être utile, de bien savoir se défendre. Ah, non volontairement contre les Horla. Ça a l'air sympathique. Ok. Du coup, bah, il se présente, hein, il s'appelle Music. Et du coup, t'as un moment, quand tu l'as intégré dans votre groupe, t'as un moment d'intimité avec lui. Et pendant ce moment d'intimité, il te confie qu'il pense. Bon, là, clairement, actuellement, c'est juste un troubadour, quoi. Mais il pense être quelqu'un de fort. En lui-même, il sent qu'il a une grande force. Il ne saurait pas l'expliquer, quoi. Pourtant, tu vois, il paye pas de mine, quoi. En quoi, donc je te rappelle qu'à un moment d'intimité, c'est toi qui décides en quoi ça consiste exactement. Hein. Et du coup, je vais te demander justement de m'en dire plus sur en quoi consiste votre moment d'intimité. Je pense qu'on parle de musique, très clairement. Je lui parle de musique, je lui parle de combat. Il dit qu'il aimerait bien se battre. Moi, je dis que j'aimerais bien faire de la musique. Et puis voilà, on échange là-dessus. Ok, super. Suite à ça, tu peux lui proposer une romance, tu peux lui proposer une amitié, ou tu peux ne rien lui proposer du tout. Non, on va lui proposer d'être ami, il a l'air sympa, je l'aime bien, pour le moment il est sympathique. Ok, bah du coup, effectivement, il y a une certaine confiance, il commence à te faire confiance. Alors, tchouk. Je pense que tu peux noter donc que tu as une amitié avec Music. Et a priori, je vais vérifier s'il n'y a pas mieux, mais je pense que tu peux noter que tu as un bonus de 4 pour un prochain jet de dés relatif à Music. OK. Suite à ça, en fait, vous arrivez à Normont-Ferrand. Et à ce moment-là, en fait, vous êtes attaqué en fait par un tire-laine, un voleur. Ouais, tu veux dire, on finit toujours par débarquer à Normont-Ferrand. Non, mais bah, ça semble logique. Hein. Au bout d'un moment, c'est la structure, du coup. Vous êtes attaqué par une espèce de brigand, mais vraiment ultra violent, quoi. Et donc là, t'as plusieurs possibilités. C'est donner du fric au gars pour le calmer, quoi. Le chasser. Le combattre ou laisser Music gérer. Parce qu'en fait, il a l'air motivé, en fait, pour combattre le tire-laine, quoi. J'ai peur que ça se finisse pas pour musique, mais on va le laisser gérer. Mais j'ai peur que ça se finisse pas pour musique. On va voir. Alors en fait, musique s'avère avoir des instincts guerriers, mais d'une brutalité excessive, quoi. En fait, t'as l'impression que quand il combat, il est. Enfin, en fait, genre, il s'approche vers le tire-laine, puis le tire-laine, se sentant provoqué, commence à vouloir lui donner un coup de couteau. Et en fait, il lui chope le bras. Il lui, en fait, mais d'une vitesse. Puis, en fait, t'as l'impression qu'il agit sous un état second, quoi, comme si c'était une espèce de transe guerrière, quoi. Il lui retourne le bras, mais vraiment dans l'autre sens, quoi. Tu t'entends l'os qui ressort, quoi. Et puis en même temps, il lui savate les burnes pour le mettre à terre. Puis après, il lui saute à pieds joints sur la tête, quoi. Enfin, bon, grosso modo, il en fait de la bouillie, quoi. C'est vraiment dégueulasse, quoi. La façon dont il le démolit, quoi, clairement, quoi. D'accord, ok. Ok. Et puis, tu vois, après, une fois que c'est fini, il redevient le Music jovial et avenant qu'il était, quoi. Donc, suite à cette scène touchante, tu peux rompre avec lui. Tu peux aussi rompre avec lui et en plus le chasser, le demander de quitter votre groupe, ou alors non, bah écoute, il reste parmi vous, quoi. On va le garder et lui dire de ne plus jamais combattre, on fera ça comme ça. Il a l'air efficace, hein, d'une certaine manière. Donc, Non, non, mais oui, non, je lui dis pas de partir. Garde les gens dangereux près de moi. Mais on va lui dire d'arrêter de se battre. On verra. Moi, dans ma tête, je lui dis ça. Je lui dis, bon, t'iras plus combattre, mec. C'est pas ce qu'il dit le jeudi, hein, mais moi, dans ma tête, je prendrai mes Clairement. prochaines décisions comme ça. Bon, bah, en fait, tu peux. Ensuite, c'est mis que le vieux te dit, donc c'est valable que Sylvie est encore là, évidemment. Hein. Quand tu veux, on pile le NRA. À ce moment-là, tu peux rompre avec le vieux. Ah oui, d'accord. Le vieux, t'as parlé d'une rat, je sais plus, je crois. Hein. Oui, il m'en avait T'as parlé. déjà entendu parler d'une rat, hein, oui, tout à fait. Hein. Donc, en fait, que le vieux soit là ou pas, de toute façon, tu peux décider effectivement d'aller explorer le NRA, ou tu peux préférer retourner explorer les autres quartiers de Noirmont-Ferrand, quoi. Non, on va retourner explorer les quartiers de Normandie. Ok. Alors. Ouais, alors dans ces cas-là, je pense que voilà ce qu'on va faire. C'est que noter un paragraphe pour nous, voilà, un truc comme ça. Alors en fait, ce que le bouquin te dit à ce moment-là, c'est que à tout moment, plus tard, du moment que tu es dans Normand-Ferrand, parce que si t'es pas dans Normand-Ferrand, c'est pas possible. Mais du moment que tu es dans Normand-Ferrand, tu peux décider de retourner au NRA. Et donc ils te D'accord. disent, il te suffira d'aller au paragraphe temps. D'accord, En ok. fait, quelque part, tu as découvert Je où était l'entrée du NRA, quoi. Alors que, en fait, quand tu te balades dans Normand-Ferrand, tu peux pas la trouver, quoi. D'accord. Donc du coup, je note le fait que je peux en théorie retourner au NRA quand C'est je ça, veux. t'as débloqué le Nora, ouais. Ok, donc on est back à Normand-Ferrand. T'avais une question? Oui, non, non, non, on est back à Montferrand. Du coup, je vais avoir ma réponse. Alors je rappelle vite fait hein, les options à Normand-Ferrand. Tu peux remonter dans la caravane. Tu peux aller sur le marché rouge, tu peux aller sur le marché brun ou le marché noir. Et en fait, le marché brun et noir, tu les as déjà explorés en large et en travers. Après, je pense qu'il y a une option que tu pourrais éventuellement retenter. Bah non, en fait, tu peux pas, non, tu t'es grillé avec la seconde. Donc, c'est vraiment grillé. Donc, grosso modo, il te reste plus que le marché rouge ou remonter dans la caravane. Ou si, autour pour moi, il y a une option pour repartir en forêt. Oui, bah, je comptais aller dans le marché rouge. Aller dans le marché rouge, du coup. Alors, dans le marché rouge, il y a. En fait, il y a une caravane de forains qui stationne. Il y a aussi une boutique de receleurs. Enfin, clairement, ça se voit hein, que c'est des gens J'ai pas qui écoulent les remarqué. marchandises volées. Il y a quoi qui stationne? Il y a aussi une boutique. Une boutique de receleurs. Tu vois, c'est quoi D'accord. un Oui. receleur? Ouais. Oui, ça. Comment il y a une boutique grosso modo qui achète et qui vend des reliques high-tech du passé quoi. Possibilité. Et puis c'est bon. Ouais, c'est tout ce qu'il y a dans le marché rouge. Bah, on va aller voir la boutique high-tech, vu que j'ai un truc à décodeur, il y a peut-être quelque chose à faire avec. Alors effectivement, ah, il te comment c'est précisé que de ce qu'il a à vendre, il n'y a rien, enfin, à tes yeux qui te paraît intéressant, quoi. C'est un peu du bric-à-brac. Enfin, c'est pas qu'il a de la mauvaise came, hein, il a quand même des choses pas mal, mais pas dans, enfin, qui rien dont l'usage te sauterait aux yeux pour ta situation personnelle. D'accord. Mais par contre, effectivement, tu peux lui proposer, tu peux lui montrer tes objets, et notamment tu peux lui montrer, enfin, en fait, grosso modo, si tu choisis l'option montrer les objets, le seul objet que tu peux montrer, c'est le décodeur. Là, en fait, il y a deux options. Il est prêt à te le racheter 50 caps, ou sinon tu peux lui demander à quoi ça sert. Je vais lui demander à quoi ça sert avant quoi que ce soit. Ok. Alors là, dans ces cas-là, tu peux ça comment? Il te dit comment? Il te dit non, mais enfin, ça sert pas à grand chose, mais ça m'intéresse pour les pièces, quoi. Et là, tu peux retourner, enfin, tu peux lui vendre ou partir, ou essayer de le cuisiner, en fait, pour ça, enfin, essayer de un petit peu plus le presser de questions. En fait, c'est préciser que tu dois faire un jet de rogne. D'accord. Pour savoir à quoi ça sert. Je vais tenter un jet de rogne. Actuellement, j'ai 5 de rogne, donc ça va pas Tu être vas mal. descendre à 4, hein, en plus. Ouais. Mais on va le tenter. On va le tenter. Tente quand même. Le 4, c'est avant ou après, du coup? Après. Après. Ok. Allez. Carrément pas. 12. Voilà, t'arrives pas à lui tirer les vers du nez, quoi. Il reste sur son. Donc tu descends quand même à 4, et lui, il reste sur son histoire que ça sert à rien, quoi. Bah, on va pas trop le croire, mais on n'a rien pour le prouver. Mais on Que va pas tu trop le croire. revends le décodeur ou est-ce que tu le gardes? Non, je vais garder le décodeur. Je pense voir où je vais Toute façon, réussir à le trouver à un si tu moment. veux avoir le câble, c'est quand même pas mal, quoi. Non, mais Voilà. je me doute qu'il y a l'ONRA. Vu que je sais où c'est, j'ai prévu d'essayer d'y aller à un moment, quoi, mais. Ok, ouais. Très bien, bah du coup tu peux aller voir les forains, tu peux aller voir la boutique de receleur ou quitter le marché rouge. On va voir les forains avant la boutique de receleur. Ok. Donc bah voilà, c'est des forains itinérants, hein, clairement ça se voit. Donc ils ont des caravanes, tu vois. C'est un peu une population cosmopolite, hein, il y a un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis donc tu vois, ils ont, enfin, ces forains, tu vois, c'est faut pas imaginer un truc mirifique, hein. Ils ont deux chapiteaux. Un chameau, c'est absolument, enfin, j'ai envie de dire, c'est quasiment extraordinaire qu'ils aient un chameau, quoi. Un chameau, et puis un ours, et puis sinon, c'est de la jungle, puis des clowns, quoi. Hein. Et puis évidemment, les traditionnels jeux de fête foraine pour amuser les gamins et les quelques adultes, quoi. Et donc, tu peux leur parler, en fait, tu peux essayer d'entamer le dialogue avec eux. Bah c'est ce qu'on va faire. Et en fait, là, tu dois me dire si tu leur dis que tu viens de la caravane des Gitans ou si tu préfères taire ce détail sur ton passé. Je vais pas leur en parler, je vois pas de bonne raison pour leur en parler, donc je vais pas leur en parler. Écoute, clairement, ils te lancent des regards obliques et ils éludent très rapidement la conversation. Ils essayent de détourner la conversation sur le fait d'essayer de te vendre un truc ou te faire payer pour un tour, quoi. Et puis si t'accroches pas à ça, enfin clairement il faut comprendre que ils ont rien de spécial à te dire, quoi. Faudra pas que j'attende plus, à moins qu'il me prouve, enfin, à moins de venir faire un tour de l'autre. Ok. Est-ce que tu leur dis quand même, et du coup, est-ce que tu leur avoues que tu viens de la caravane des gitans ou est-ce que tu préfères te barrer? Non, bah je vais essayer de leur dire du coup, vu que pour voir ce que ça fait. En fait, ils prennent le temps de vérifier. Donc, tu vois, il y en a qui s'absentent et puis ils reviennent pour confirmer qu'effectivement tu viens de la caravane. Et du coup, ça, ils s'ouvrent un peu en fait. Parce que tu vois, forain, gitan, enfin, il y a quand même une D'accord. solidarité, quoi, clairement. Enfin, ils s'apprécient mutuellement. Et du coup, tu as un peu plus leur ami. Et du coup, le jeu te demande si Musique est avec toi ou pas. Bah du coup, oui. Il est avec toi. Et en fait, ils te disent. Comment je sais pas qui est ce gars-là, mais c'est pas un troubadour quoi. En fait, son accordéon il appartenait à quelqu'un de notre troupe et en fait on a été attaqué à une époque par par les écorcheurs. Et beaucoup d'entre nous sont morts, et puis enfin, on est parti, enfin, grosso modo, on a perdu la moitié de nos hommes, quoi. Et voilà, et on a perdu notamment celui qui avait l'accordéon. Et c'est sûr que c'est pas lui, il est mort, tout ça. Donc, je sais pas qui est cet homme, mais je pense que c'est pas un troubadour, et je pense que cet accordéon, il l'a volé sur un cadavre. D'accord. Concrètement, alors il n'y a pas l'option, mais ça me paraît très logique que je te débloque l'option de est-ce que tu fais comprendre à Musique qu'il est de trop dans votre groupe? Ou est-ce que tu comptes, tu les restes dans le groupe? Je vais rester sur ma naïveté du début, c'est-à-dire pour le moment c'est que des on-dit, même si bon bah j'ai eu la preuve qu'effectivement c'est pas impossible. Donc du coup non, non, je ne fais rien. Fait rien, donc il reste, tu vois, il reste ton ami quoi. Pour le moment, Très oui. bien. Ok. Du coup, tu peux aller dans la boutique de reseller ou quitter le marché rouge. Bah, boutique de reseller, du coup. En fait, la boutique, dans la boutique, en fait, on te demande si tu as volé un objet à la caravane, oui ou non. Et je crois que tu n'as rien volé dans la Non, caravane. je n'ai rien volé à la caravane. J'ai mis un peu de temps à en être sûr, mais non. Non, non. T'avais les possibilités, t'aurais pu voler le masque d'or, mais tu l'as pas fait. Non, effectivement. Et du coup, comme tu dis réponds non à cette option, le gars te fait bon, bah écoutez, non, bah vous avez rien qui m'intéresse, passez votre chemin, quoi. Ah d'accord, ok. Du coup, tu en as fini avec le marché rouge. Donc, tu peux reprendre la caravane, tu peux aller au Nra ou tu peux repartir en forêt. On va aller au Nra, voir si on obtient quelque chose. Avec la vision que j'ai eue, c'est peut-être pas. Enfin, là, je suis juste en train de chercher où va mener cette vision. Donc, on va errer un peu au pif. Avec mes deux chiens, mon nain de combat et Marie. Là où j'ai pas. Ouais, c'est là où je. Tout, tout, tout, Là, je vais mettre. Ouais, c'est un peu risqué, mais quand même. Attends, je note un truc. Je... Tout, tout, tout. Pas de soucis, pas de soucis. Je rajoute un détail, ça peut te paraître peut-être insignifiant, mais tu sais, quand il y a un moment où tu étais allé voir la seconde du colonel Bouttefeux, là, en fait, je pense que ce que j'aurais dû préciser, c'est qu'à l'entrée de sa guitoune, il y avait un panneau Nous recrutons, en fait. Ah oui, effectivement. Recrute, quoi. Déjà, ce qui aurait pu expliquer pourquoi aller la voir, parce que sinon, tu y vas vraiment juste pour faire ta touriste, quoi. Et en plus de ça, non, non, ouais. Ok. Donc, tu vas explorer le Nra. Tac. En fait, le Nra, c'est une série de bâtiments envahis de forêt et entourés par du grillage et du barbelé, qui est donc en périphérie de Noirmont. Et en fait, à l'entrée de ce complexe de bâtiments, tu as de ces ruines, hein, clairement, tu as un panneau à moitié pété, à moitié érodé, quoi. Et t'as des lettres qui sont écrites. Il doit en manquer, hein, clairement. C'est écrit NRA, quoi. Mais il manque les premières lettres, en fait. Et c'est t'as un sous-titre, en fait. C'est mis de la recherche agronomique. D'accord. Donc, est-ce que tu t'introduis par une éventuelle faille dans les grillages ou est-ce que tu rebrousses chemin, quoi? Non, je vais m'introduire. Faut quand même que je précise que il y a en fait de long en loin ça patrouille quand même. Les miliciens patrouillent un petit peu autour de ça. Visiblement, ils veulent pas. Ils ont pas spécialement envie qu'on pénètre dans le Nra, quoi. Non, non, je m'introduis. Normalement, j'ai un truc de discrétion, si je me rappelle bien. Oui, a priori. Donc. Mais ça t'est pas demandé. Donc tu peux rentrer, quoi. T'y arrives, quoi. Je me rends compte qu'il y a un petit problème parce que. Ouais, bon, je verrai ça plus tard. Je vais mettre. Donc, tu. Tu commences à rentrer là-dedans, donc les ruines sont envahies de forêts et tout, et tu vois, il y a des bâtiments dont le toit est ventré, donc tu as tout un tas d'arbres chelous qui en émanent, quoi. Et il y a un moment, en fait, comment, tu arrives dans une sorte de clairière, et là, il y a une vision d'horreur, quoi. C'est des immenses bovins laineux, tu vois, mais qui font la taille d'un mammouth, quoi, qui broutent là-dedans, quoi, et ils se mettent à pousser des meuglements. Immense et puissant, quoi. On est en droit de se demander quelle autre créature de cauchemar rôde dans le Nra, quoi. D'accord. Tu continues ta route ou est-ce que tu rebrousses Je chemin? continue ma route parce que je suis une personne qui n'a pas d'instinct de survie de toute façon. C'est ça. Sinon, tu serais pas en train de faire un livre dont vous êtes les héros. Ça. Et donc, vous progressez là-dedans et tout, et en fait, à un moment, surgissant des fourrés, il y a une bestiole qui vous saute dessus, qui fait un bon 1,50 m au garrot, couverte d'une fourrure dense, avec des yeux intenses et un cri perçant. Vous faites attaquer par un raptor laineux. God, Mais oui, bah c'est voilà, il se passe des choses bizarres ici. Donc, tu peux laisser le vieux gérer, mais en l'occurrence, c'est pas possible parce qu'il est mort. Tu peux combattre le raptor laineux, tu peux tenter de communiquer avec lui en putride. Tu peux laisser le salopard gérer, mais bon, bah cette option, tu t'en es privé il y a un temps. Tu peux tenter de fuir. va tenter de fuir. Attends. Non, bah non, on va le gérer. On va le gérer, pardon, excuse-moi. Tu veux parler en putride, hein? Ouais, je viens de me rappeler. Je peux tenter de lui parler en putride. Qui ne tente rien à rien, après tout. Allez. Peut-être qu'il n'est pas si méchant que ça. Bonjour, monsieur le raptor. En fait, en putride, t'arrives à lui expliquer de passer son chemin, de dire que vous êtes comment il n'a pas à s'en prendre à vous et que, enfin, tu vois, t'arrives à lui faire comprendre que vous êtes au même niveau de la chaîne alimentaire, quoi. Ou, en grosso modo, D'accord. tu simplement tu le bluffes comme ça en grognant, en putride, tu vois, ça l'impressionne déjà de base, quoi. Et du coup, il vous fout la paix. D'accord. Donc tu peux explorer cet endroit magnifique qu'est le Nra. Alors. Tu peux suivre le vieux qui décidait d'explorer. Attends. Suivre le vieux. Tu peux suivre le vieux en fait qui part dans une direction bien précise, mais pour le coup, bah, ça n'est plus possible. Tu peux comment Tu peux aller explorer les bâtiments qui sont le plus inondés par la végétation. T'as des espèces de, notamment de serres, quoi, qui sont vraiment blindés de végétation, quoi. Tac. Tu peux aussi aller explorer un bâtiment qui te semble intimement lié à la question qui te taraude. Alors, la question qui te taraude, c'est où ai-je chopé l'épée fusil? On va faire ça. Attends, attends, il y a d'autres choix. Il y a plus de choix. Pardon. Tu peux aussi aller vers les laboratoires d'expérimentation, quoi. Visiblement, il y avait des expérimentations sur les humains. Et aussi, tu peux aller explorer le sous-sol. Va commencer par la question qui me taraude. Ah, attends, il y a aussi. Bon, enfin, tu pourras pas utiliser, mais il y a aussi possibilité d'utiliser l'orientation, mais bon, tu l'as pas pris. Donc, tu vas dans des bâtiments où il y a plein de cadavres, en fait. Il y a eu des expériences qui ont dû vraiment mal tourner. Il y a aussi des squelettes d'animaux. Alors, les cadavres, c'est tous des squelettes, hein. Il y a aussi des squelettes d'animaux, et puis t'as de la végétation partout qui a poussé là-dedans, qui pousse sur les murs, des champignons, tout ça. Et t'as beaucoup de sang séché. Et il y a l'air de s'être passé des trucs vraiment dramatiques. Et en fait, l'endroit est saturé d'égrégores, tu vois. Donc cette forme de magie psychique, tu sais, comment ça sature vraiment l'air, quoi. Tu vois, tout l'air est troublé, quoi. En fait, tu as l'impression que plus on s'enfonce dans cette partie-là du complexe, plus on arrive dans une sorte de nexus d'égrégore, et tu vois effectivement que tu commences à avoir des. Tu commences à avoir des premières bribes d'explications sur la réponse à la question qui te taraude. Donc tu peux toi-même en fait fournir une première bribe d'explication, mais que si tu voulais en savoir plus, il faudrait encore avancer plus loin, où là il y a plus d'égrégores et tout. La première question du coup, c'est quoi cette première bribe d'explication sur d'où vient l'épée fusil? Bah, moi, j'ai l'impression que je me vois la voler à quelqu'un, sans doute qui est mort d'ailleurs, hein, genre quelqu'un qui vient d'être tué. Et voilà, je revois ça. Donc, du coup, j'ai pas Ok. l'explication du pourquoi, du comment. Et est-ce que tu t'enfonces davantage ou est-ce que tu rebrousses chemin? Je. je vais m'enfoncer davantage. Ouais, je vais m'enfoncer davantage. Eh bien, en fait, arrive dans un endroit où les expérimentations contre nature est absolument dépourvue d'éthique des humains, d'une rat, ont produit des résultats abominables et se sont absolument retournés contre leur créateur, quoi. C'est un endroit où il y a eu des carnages monstrueux et dont les répercussions, en fait, se sont fait sentir dans toute la région, voire même dans toute la contrée, dans tout Millevaux, quoi. Et l'air est tellement saturé d'égrégores, tu commences à saigner du nez, des yeux, des oreilles, tu as des visions de délire total, quoi. Et en même temps, tu vois, il y a ta mémoire qui revient, mais sauf que ton cerveau est en train de frire littéralement, quoi. Et tu décèdes en fait, en te vidant de tes fluides littéralement, quoi. Et donc c'est la fin pour Anthrax, sauf si évidemment tu dépenses un point de rogne pour rollback. Un point de rogne, hein, fatalement. Ça roule. Bon, finalement tu dis non, je vais pas passer cette porte. Okay. Ça commence à être la dèche à un niveau rogne, hein. Je crois que t'es plus qu'à 3, c'est ça? C'est ça, j'ai plus que 3 pauvres petits points de rogne, donc oui, c'est un peu la dèche. C'est tendu là, oui. Ok. Du coup, tu peux. Évidemment, je pense que tu peux te barrer d'une rat, quoi. Tu peux aller explorer les sous-sols, aller explorer la zone inondée par les végétaux. Et c'est tout. Évader Dunra, la zone inondée par les végétaux et l'endroit où les expériences ont été faites sur les humains. Oui, il y avait ça aussi, autant pour moi. Oui. Oui. Vu que j'ai, à mon avis, je pense que c'est là que c'est ma vision mène, je vais aller voir l'endroit où les expériences ont été faites sur les humains. Et donc, en fait, il y a plus d'habitants, hein, clairement. On dirait bien que ceux qui ont fait des expériences sur toi ont disparu. Hein. Y a du sang partout, du sang séché, des ossements. Et donc, il y a cette. Ouais, je pense que je. Ce serait vraiment pas logique de. Il y a deux choses en fait qui retirent ton attention. C'est la fameuse table d'expérimentation, tu la reconnais, t'es sûr, c'est là où t'étais, quoi. Il y a les sangles, vraiment. Enfin, rien que de la voir, tu commences à avoir. T'as des flashs de ce qui est de toi sur la table et tout, en train de te faire ponctionner du sang. Et en fait, à côté sur une table, il y a la fameuse viande noire. Donc il y a une espèce d'amas de viande. Il y a une espèce d'amas de viande noirâtre qui dégage une très forte odeur de charogne et en même temps des parfums et des espèces d'arômes poivrés puissants et qui a l'air à la fois inerte et vivante. Donc, est-ce que tu choisis de t'intéresser à la table d'expérimentation, t'intéresser à la viande noire ou de te barrer? S'intéresser à la table d'expérimentation pour le moment. Est-ce que tu la touches ou est-ce que tu la casses? Je vais la toucher. Ok. Flashback, expérimentation. En fait, tu revis. T'as un vieux flashback. Tu revis, en fait. Comment? Tu revis ce qui t'est arrivé, quoi. Et ce que tu vois, en fait, c'est que. Quand je te dis que ça a mal tourné, c'est que les. C'est les savants qui. La viande noire, en fait, a tué les savants, quoi. D'accord, c'est la viande elle-même qui a tué les savants. Ouais. Du genre, elle s'est mise à bouger et les a attaqués ou... Non. Bah, en fait, concrètement, en fait, ils ont voulu en manger, quoi. Après avoir fait l'injection, tu vois, sans doute pensant qu'ils seraient des super-héros, tout ça, que ça allait transformer en super-héros. Et en fait, ils se sont mis à, ils se sont mis littéralement à fondre, quoi, en bouffant, quoi. Et en fait, c'est horrible parce que tu les vois dans le flashback, tu les vois, ils en mangent, ils continuent, tu vois, ils se mettent à fondre. Mais en fait, ils continuent à en manger, tu vois, comme s'ils étaient tellement addicts direct à la viande noire qu'ils continuent à en manger un truc qui les bouffe de l'intérieur, tu vois. Donc, tu les vois littéralement bah, dévorer la viande noire tout en devenant de la merde, quoi. Bon, à savoir ne pas manger ce truc. Est-ce que tu casses la table d'expérimentation ou est-ce que tu vas voir la viande noire ou est-ce que tu te barres? Je vais quand même voir la viande noire. Y a pas de bonne raison que ça se finisse bien, mais on va quand même aller voir Ouais. la viande Alors noire. là, il y a des options où tu aurais pu dissuader le vieux d'en manger ou laisser le salopard manger la viande en premier. Okay, remarque, je pense que non, non, à mon avis, tu dois pas avoir ces options-là. Je pense qu'il y a un moyen de. Ouais, non, si, ouais. Mais toi, tu peux. Mais donc, ces options-là, évidemment, sont plus dispo. Mais tu peux, par contre, tu peux décider d'en manger. Enfin, c'est mis en manger en premier, quoi. Est-ce que tu manges de la viande ou est-ce que pas? J'ai encore des points de rogne. Allez! Bon, en fait, Si c'est pas parce que j'en tu manges mange. de la. Ok, tu manges de la viande, bah écoute, en fait, la première bouchée que tu prends, c'est vraiment délicieux, quoi. C'est une viande, Ah mais non, en vraiment plus, de le poisson que tendre. j'ai végé, oui, non, bon, tant pis. C'est juste la curiosité, tu as le choix. Bah, la curiosité, Ben, c'est du coup, en fait, je pense que, les en organes fait, du corps, faut peut-être que je leur concrètement, mette, mais. je pense que, en fait, maintenant, tu viens de comprendre pourquoi Anthrax est VG. Oui, non, mais c'est surtout, en plus, c'est sorti de mon corps, faut peut-être que ça revienne, je sais pas. Mais oui, non. Et donc, bon, bref, tu manges, mais c'est trop bon, c'est la meilleure viande que t'aies jamais mangée, quoi. Mais en même temps, c'est plus acide que de l'acide chlorhydrique, ça te bouffe littéralement l'œsophage. Mais en fait, tu peux pas t'arrêter, t'es addict, malgré une douleur insupportable. Tu continues à t'empiffrer avec délice, évidemment, bah, c'est la fin d'Anthrax qui commence à se dissoudre et à se faire dévorer par la viande noire, quoi. Et ton corps tombe par terre par flaque et tout, alors que tu fais La solution n'est donc pas de remettre la sève encre dans le corps d'Anthrax. Je perds un point de rogne. C'est ça, tu perds un point de run pour avoir essayé ça. Ça se tentait, ça se tentait. Pour... Dans ma tête, ça se tentait. Reste inondation végétale, le sous-sol ou te barrer. On va casser la table d'opération quand même. Voilà. Si l'option est toujours là, on va la casser. Ok. Ça te fait un bien fou en fait. Tu défonces la table d'opération, enfin, tu défonces tout le matos d'expérimentation, tu te défoules là-dessus et tu gagnes 4 points de rogne. Ah, bah c'est une Prends très un peu bonne de nouvelle. violence, ça défoule quoi. Un peu de violence, c'est bien. La violence n'est pas une bonne solution, les enfants, sauf quand c'en est une. En plus, Les objets, c'est parfois judicieux. j'avais perdu 5 points de rogne, donc du coup, Ouais, c'est très bien. c'est ça. Impec. Du coup, ouais, inondation végétale, sous-sol ou se barrer. Sous-sol. Il y a une comment clairement l'entrée du sous-sol, t'as un symbole. Symbole biohazard. Tac. Et là, en fait, la porte, comment, la porte est verrouillée. Est-ce que tu pètes est-ce que tu donnes un bon coup de ranjo là-dessus pour défoncer la porte, ou est-ce que tu laisses tomber? D'accord. Non, mais bon coup de ranjo pour défoncer la porte. Ok, pas de souci. On est venu jusqu'ici pour faire arrêter par une porte quand même, pour son bonsoir de bordel. Alors, et là, tu t'aventures dans les sous-sols d'une rat. On pourrait faire ça, oui. Si c'est possible, tac. Donc, t'arrives en fait tu t'enfonces en fait dans des couloirs qui communiquent surtout avec des cellules, ce type des cages ou des cellules comme des cellules de prison. T'as beaucoup de cadavres d'animaux particulièrement difformes qui sont là-dedans en fait. Visiblement, ils étaient pour la plupart étaient entravés par des chaînes, quoi. T'arrives en fait comment devant une comment devant une cellule qui contient un être vivant, en l'occurrence un humanoïde. Il est comment il est couvert de poils. Et en fait, quand il te voit, oh, pardon. Quand il te voit, il se met à grogner, quoi. Il a des yeux perçants qui semblent percer l'obscurité, quoi. Est-ce que tu t'approches pour en voir un peu plus à son sujet, ou est-ce que tu préfères te barrer? Non, on va s'approcher pour en savoir plus à son sujet. Ok. Ça risque En d'être fait, long. tu es face à un humanoïde qui visiblement est entièrement fait d'une rage qui contient très très difficilement, quoi. Et en t'approchant de lui, en fait, il te jette un regard, mais qui ne contient rien d'autre que de la haine pure, quoi. Et en fait, il se rue vers toi, il plaque son visage contre les barreaux, et en fait, il est tellement énervé de te voir, quoi. Et ça déclenche une telle pulsion sur lui, quoi, qu'il brise littéralement ses barreaux, en fait. Est-ce que tu le combats ou est-ce que tu fuis? J'ai encore des munitions, on va continuer, on va le combattre. Ok. Impeccable. Alors. Il y a 11 en air et 10 en trip. Waouh! 11 en air, ok, il se défend bien. Il se défend très bien. Ouch! Aïe, en même temps, j'ai perdu un air définitif il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, bah, non, très bien. C'est sans doute un des adversaires les plus balèzes que tu peux rencontrer. Enfin. C'est vraiment un monstre en fait, tu vois, c'est Non, une... mais tu sais ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser un point de rogne là tout de suite, hein? Le bac? Ouais, parce que les points de rogne, je peux pas l'utiliser. Enfin, si j'utilise après combat, ça me ramène au début du combat, on est d'accord? Ouais, là, si tu utilises tout de suite, effectivement, tu vas arriver à l'option que est-ce que tu te rapproches de la cage ou pas, ou est-ce que tu te barres, quoi. Voilà, non, mais du coup, on va. Oh, quoi que. Non, j'ai des munitions, j'ai des munitions, j'ai des munitions, j'ai des munitions. Ah oui, j'ai des Ok. munitions et lui, il n'en a pas. Donc, Ah bah non, lui, il est à main très nue, hein. bien, Ouais, tout à claquer fait, ouais. Donc, t'en une claques première une, ce qui munition. fait que tu prendras pas de dégâts sur le premier tour. Ok, donc on va. Oui, non, mais on va y aller en mode rafale, hein, en vrai, hein, dès le premier tour. Sûr, ouais. Il est beaucoup trop dangereux. Ça fait 5. On va claquer une autre munition. Il a combien de trips, tu disais? Le premier jet de dés, tu jetais 2 dés et tu faisais seulement le plus petit, hein. Ah oui, tu lances les deux. Oui, pardon. Oui, ça fait que deux, du coup. Pardon. Ouais. Et par contre, je Ok. peux des munitions toujours, même sur ce premier jet de dés? Oui, tu peux rajouter des munitions, donc tu continues à lui faire des dégâts, quoi. Donc alors 2 plus 4 ça fait 6. On reclaque une munition, puisque c'est très clairement le truc le plus dangereux. Plus 6 ça fait 12. Je crois qu'il est toujours en vie. Non, non, il avait 10 en triple, hein, donc c'est bon, hein, Parfait. tu l'as. On s'arrête là. J'ai mis 2 balles. Tu l'as défoncé, quoi. Je ne veux pas qu'il s'approche de moi. Je va-t'en. Voilà. Va-t'en. Et ce truc n'avait pas de loot. C'est Que voilà. triste. Et ouais, c'est triste. Je suis horriblement triste. Suite à ça, bah tu peux comment tu peux retourner en fait il n'y a pas d'autre. Ah, qu'est-ce que je pourrais est-ce que vous pourrez comment tu peux continuer sur les conduits qui visiblement amènent plus à l'intérieur de Normont-Ferrand ou revenir au Nra. Que tu préfères. Alors, je peux utiliser les conduits qui ramènent plus à l'intérieur de Noirmont-Ferrant, c'est tout? Ou sinon tu reviens au Nra. Non, on va s'enfoncer dans Noirmont-Ferrant. On est en train d'explorer, on va explorer. Donc en fait, ça t'amène dans les bâtiments de la milice. C'est les mêmes choix qu'il y avait juste avant ou Non du tout. En fait, du coup, tu t'arrives directement en face du colonel Boutefeu. D'accord. Oui, que je n'avais pas vu jusqu'à présent, fatalement. Exactement. Donc en fait, le colonel Boutefeu, donc c'est vraiment un militaire typique. Donc il est assez grand. Il a une tête à pas plaisanter du tout, quoi. Le crâne rasé. Bah, tenue militaire, bon, autant ces hommes peuvent être un peu débraillés, lui il a vraiment la tenue militaire impeccable, tu vois, bien droit dans ses bottes. Tac. Il porte alors c'est quoi son loot à lui? Je vais vérifier parce que, comme toujours, on peut toujours voir le loot sur les gens. Tu peux le vérifier par rapport à ce qu'il porte. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il porte sur lui? Est-ce que je l'ai noté? Seconde de bout de feu. Alors je vais vérifier si j'ai peut-être noté ça quelque part. Voilà. Alors attends, je vais aller un petit peu plus loin. Gna, gna, gna. Non, alors, c'est pas précisé. C'est pas précisé, du coup, je vais devoir improviser. Alors, ce serait quoi qui puisse avoir sur l'île de logique? En toute logique, je pense que ça va être ça. Bon, ce que tu vois surtout, c'est qu'il a un FAMAS, quoi, hein, fusil d'assaut. D'accord. C'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal, effectivement. Et donc, tu débarques comme ça, un petit peu de nulle part, par les souterrains secrets, quoi. Et donc, voilà, c'est une entrevue un petit peu imprévue avec le colonel Bouttefeu. Tu peux, entre guillemets, pour... Bah, tu peux tenter de te barrer, retourner en ville, quoi, pour pas avoir à discuter avec cette personne. Tu peux essayer de discuter avec lui, tu vas en mettant en avant ton bagou, quoi, donc grosso modo, il y aura un jet de rogne à faire. Tu peux lui donner des infos importantes sur la caravane. D'accord, ouais, donc ça va s'en aller. Tu peux lui préciser que le vieux est en ville, ou tu peux offrir ton épée fusil en gage entre guillemets de soumission ou de respect, quoi. Rien Ou dans sinon cette tu peux, ah description. si, il y a aussi comme proposition, c'est que tu peux activer l'envoûtement. Alors ça, tu pourras pas le faire, mais visiblement il y avait possibilité de préparer un envoûtement sur lui. Là maintenant, il t'aurait pu l'activer, quoi. Rien qui m'intéresse, dis donc. Bon, bonjour. Sinon tu bah sinon c'est Gédron quoi, c'est juste tu vois y aller au bagout quoi entre guillemets sans rien négocier quoi parce que effectivement donner des infos sur la caravane ou dénoncer le vieux bon ça tu peux même plus mais ou offrir ton épée fusil c'est du registre de la négociation quoi. Ça, ouais, non, mais on va partir sans rien du coup. Donc c'est un jet de rogne, c'est ça? Ah, Gédron, oui. Ouais, j'en ai plus que 5. 7, donc ça rate. Ok, tu descends à 4. Donc c'est raté. Donc là, soit tu peux dépenser un jet de rogne pour rollback. Donc comme ça, tu pourras, Retenter, ouais. si tu rollback, tu pourras retenter ou retourner vers le Nra. Ou alors, tu peux tenter une des autres options, quoi. Si j'utilise un jet de rogne, ça ne fait que retenter, ça me permet pas de revenir au paragraphe juste avant, en vrai. Du Si coup. tu claques un jet de rogne, tu reviens en paragraphe juste avant, c'est-à-dire qui te disait est-ce que tu retournes au Nra ou est-ce que tu t'enfonces ou est-ce que tu arrives à la milice? C'est ce que je vais faire du coup. Je vais claquer un rogne, du Ouais. coup. Et on va retourner au Nra. Tu les aimes pas, les miliciens. Bah, je veux pas lui donner quoi que ce soit du tout. Ok, ça roule. Pas de soucis, bah du coup tu t'es finalement tu ceci n'était qu'un déjà vu, tu n'as jamais vu Connell Bout de Feu, parce que finalement tu as préféré remonter vers le Nara. Oui. Je Et m'attendais à ça. donc dans le Nara, il restait plus que deux options, hein, du coup c'était bah, quitter le Nara, retourner en ville, ou alors explorer l'inondation végétale. Explorer l'inondation végétale du coup. Et là, tu arrives devant une porte, finis par arriver dans une porte blindée qui comporte tout un tas de boutons et d'équipements électroniques, visiblement encore en état de marche. Et donc, c'est pas possible de la franchir par les moyens traditionnels, mais pour le coup, te demande si tu penses avoir un objet qui pourrait t'aider. Oui, du coup, oui, le truc que En j'avais perdu. répondant oui, le jeu te demande si as-tu le décodeur. Donc en l'occurrence, tu as le décodeur. Donc je suppose que tu l'utilises. Oui. Donc du coup, tu débloques la. J'ai pensé à un truc, c'est comment tu sais que... Tu débloques, tu arrives à ouvrir la porte, et en fait, il y a, comment, y a tout un tas d'échantillons de Sévenkre, en fait. En fait, t'accèdes à un petit labo, qui, curieusement, il y a encore un peu de lumière, tu vois, il y a des systèmes de sécurité qui fonctionnent toujours, quoi. Il y a pas mal d'échantillons de Sévenkre, hein, ce qui laisse à penser que on étudiait la Sévenkre dans ce labo. Et bon, tout est couvert de poussière, hein, bien sûr. Et tu as comment tu as une seringue sur laquelle c'est écrit antidote. Ah, bah voilà. Donc là, tu as plusieurs options. Tu peux t'injecter le truc direct. Tu peux prendre la seringue et noter, et en fait, ça te donne un numéro de paragraphe que tu peux utiliser dès que tu veux, tu vois, pour t'injecter. Ou tu peux aller la faire expertiser. Non, oui, on va la faire expertiser, on va la faire expertiser. On a fait assez de mauvaises décisions depuis le début de ce jeu. Okay. En fait, donc tu poses, tu secoues quelques cocotiers en ville et tu finis par comprendre que c'est possiblement effectivement l'antidote à la Sévenkre. Mais le fait que tu secoues beaucoup de cocotiers attire l'attention sur toi et tu te retrouves en fait bah, nassé et convoqué devant le colonel Boutefeu. Ou du coup, tu te retrouves là où tu voulais, à l'endroit que tu voulais éviter, c'est-à-dire devant le colonel Boutefeu. Question d'un point de vue purement technique, est-ce que j'ai vu que le truc dit je peux utiliser aller au paragraphe quand je veux, quand j'ai Ouais, bien compris sûr, le... tu peux décider de prendre tout de suite de t'injecter tout de suite le truc et puis après tu envoies le Bah, colonel Boutefeu. je vais attendre de voir le paragraphe, mais ouais, c'était la question. C'est C'était ma le question. même paragraphe du coup que je t'ai décrit avant, quoi. D'accord. Bah, on va s'injecter tout de suite, voilà. Devant lui, devant ses yeux, on va s'injecter. Impeccable. Genre, oui, pareil, qu'est-ce que c'est que ce truc, vous trimballez ça? C'est dans mes veines maintenant. Allez, Ok. tiens. Et en fait, miracle, tu te sens, dès que tu t'injectes le truc, tu sens qu'effectivement, il y a des anticorps puissants qui commencent à attaquer la Sévenkre et tu te sens mais vraiment tout de suite mieux. Alors, c'est peut-être pas l'antidote définitif, tu n'étais sans doute pas définitivement guéri, mais il y a clairement un très net mieux-être. Hein. Et donc, en fait, toi, tu étais malléable, c'est ça. Hein. Et ben, tu deviens increvable. Donc c'est une double bonne nouvelle parce qu'en fait, du coup, ton score max, en fait, tes scores max ont augmenté. Et D'accord. Comment? Ah oui, bah oui, parce que increvable, c'est... Et tu récupères aussi, en fait, alors pas tous tes points, hein, mais tu peux récupérer jusqu'à la moitié arrondie ou supérieure de tes scores max dans les différentes D'accord. Après qu'ils aient dans les augmenté. différentes catégories. Ouais. Donc tu augmentes les scores max. Donc pour le moment, ne touche pas à tes scores actuels, augmente juste tes scores max. Donc ton Et score ça vaut max en combien? air, il monte à 12. Ah oui, effectivement. Ouais, je pense que, autant pour moi, je pense que nerf, ça remonte, du coup, le score de nerf, il remonte aussi à 12 en fait. Ton score de nerf, il remonte au max, donc c'est à 12 en nerf maintenant. Ton score de trip, ton max maintenant, il est de 24. D'accord, ok. Et ton score actuel, il peut remonter du coup De jusqu'à la 12. moitié, de 12 de plus. Non, pas 12 de plus, t'es combien Ah, en jusqu'à trip 12. actuellement? Ouais. Neuf, neuf. Je... Bah, Donc du du coup, coup, ça tu remonte à passes de 12. 9 à 12. Et ton score de rogne monte, ton score max est à 12. Ce qui D'accord. fait que ton score actuel, tu peux, s'il était Monter à inférieur à 6. 6, tu peux le monter à 6. Ok, d'accord. Ok. On va rester comme ça, ouais. Ouais. Impeccable, bah du coup tu... Techniquement, du coup, Ah non, en je pense que pratique. je vais être plus... je vais être plus sympathique que ça. Je pense que c'est très logique que que ce soit plus prometteur. Du coup, en fait, niveau remonte, en fait, non pas jusqu'à la moitié, mais jusqu'au max moins 4. Ok, bon, c'est pas fatalement. Ok. Ça fait un peu mieux quand même, je pense. Ouais, ça fait un petit peu. Et donc, du coup. Alors, par contre, là, la question, c'est, vu que techniquement, c'est pas vraiment guéri-guéri. Puisque c'était l'objectif que j'avais mis sur Anthrax. Est-ce que c'est une fin de jeu ou est-ce que ça laisse suggérer qu'il y a plus encore derrière? Non, clairement, tu pourras rien faire de plus balèze que ça sur ce livre-jeu D'accord. pour te guérir, quoi. D'accord, ok. En fait, C'est... là, clairement, alors, c'est bon, j'avoue, je suis pas encore fixé sur comment si je l'écris vraiment très clairement. Mais je dirais que de toi à moi, on va dire en méta, là, tu viens de boucler une des quêtes du jeu, quoi. D'accord. Mais du coup, Il faut encore que je décide si vraiment je le dis cash ou pas, mais voilà, en tout cas tu pourras plus rien faire de mieux pour te guérir, quoi. ok. Donc du coup, à partir de là, techniquement, soit je continue pour trouver les autres quêtes, je C'est suppose. ça, oui, effectivement, le jeu te propose soit de te mettre à la retraite, soit Soit de... Tu peux retourner à Normont-Ferrand. Soit. Alors, ça, c'est quoi ce truc-là? 1 et 5. Soit tu peux. Retourner dans la caravane des gitans. Bah oui, je pense que c'est ça. Ouais, tu peux retourner à Normand-Ferrand ou tu peux retourner dans la caravane des gitans. D'accord. Bah, parce que ouais, donc du coup, il n'y a plus l'option de retourner à la retraite, en fait, du coup. Si, tu peux te mettre à la retraite aussi. D'accord. Parce que dans l'absolu, moi, enfin là, en termes d'histoire, j'ai l'impression que c'est une fin sympathique pour Anthrax, tel que je joue Anthrax depuis le début. Donc du coup, ouais, je partirais sans doute comme ça, je suppose. Ça fait Alors, combien de temps? le choix t'appartient, bien sûr. D'accord. Juste au niveau méta, faut juste que je t'informe qu'en fait, là, t'as fait dans le livre-jeu, il y a trois quêtes. Et en Ouais, fait, il t'en en as fait reste qu'une deux, là. quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, mais je pense que... En fait, là, je pense que si... Enfin, là, je sais qu'on est sur un playtest. Si j'étais hors playtest, ce que je ferais, c'est que je parte... Enfin, je mettrais à la retraite et je referais une autre run pour voir le reste du jeu, je pense. Oui, Et ok, comme les tout ce serait personnages, pas tout dans ça. ta... C'est Ouais. ça, j'ai l'habitude de découper un peu, donc... Ouais. Pour info, il est possible de faire les trois quêtes en fait à suivre, tu vois, avec le même perso. Ouais. Tu vois, il est fait à suivre dans ce qu'il veut. Mais ouais, dans ton idée, tu serais plutôt maître Anthrax à la retraite. Mais Ouais, on peut très bien arrêter là. voilà, On a déjà vu beaucoup de choses, on n'a pas tout vu, mais on a c'est déjà vu pas juste, mal de choses. voilà, c'est juste que ça matche mieux au niveau de la cohérence, enfin, ma suspension d'incrédulité au niveau de ce que j'ai dans la tête depuis le début. Ouais, ok, très bien. Voilà. Bah du coup, si tu veux bien, je te propose. Bah, de toute façon, là on en arrête là pour la partie enregistrée. Donc Ouais, je te on a fini propose un peu chaud quand même, de mais vas-y. passer. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est très bien ainsi aussi. Et donc on va un petit peu débriefer si tu veux bien en privé quoi. Et puis, carrément. Salut tout le monde.